Chapitre 8e. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Bertolt Brecht. Le lendemain matin, je pus me lever, l'esprit étrangement clair et vif, les membres endoloris, mais l'épaule beaucoup moins douloureuse. Ulgard n'insista pas pour que je reste alité, mais je sentis toute la journée son œil sage veiller, comme le dit l'expression elfique. J'aurais voulu pouvoir parler de tout cela avec mon ami Rimald, le seul qui fut assez proche pour comprendre mes questions stupides et assez perspicace pour les questions essentielles. Mais notre correspondance était interrompue depuis que nous étions à Skadverktar. Que m'aurait-il donné comme conseil, lui qui m'en donnait tant? Vers la mi-journée, je ne tenais plus en place. Heureusement, Ylfgur va me proposer de rejoindre le roi et notre petite compagnie afin de deviser de notre découverte. Lorsque j'arrivai dans l'immense salle voûtée, je ne pus m'empêcher de lever la tête et de regarder la voûte où scintillait la représentation du macrocosmos. Mon regard fut immédiatement attiré par trois points lumineux, particulièrement proches les uns des autres. Parmi eux, un luminaire étincelait plus vivement. Ylfgur, me jetant un regard de biais, susurra entre ses dents, en roulant plus que jamais les airs à la fin des mots. Les dragons rôdent encore. Comme il vit que je ne comprenais pas, il insista en indiquant la voûte étoilée d'un geste large. « Ils sont là, quelque part. » Svarine s'avança vers nous, l'interrompant goguenard. « Quand les nains cesseront-ils d'être impressionnés par les petits points qui brillent dans le ciel ?»« Il faut dire que ces trois points-là... »« Justement, ces trois points-là sont assez... » Comme je ne trouvais pas les mots justes, je souris benoîtement et finis par ajouter avec un large soupir. « Assez éclatant. » L'atmosphère changea imperceptiblement autour de moi. Je cachai tant bien que mal le brusque accès de douleur sur mon épaule droite, et regardant la voûte scintillante, je susurrai doucement. Tully aussi est là, avec une ténacité teintée de sérénité qui me déconcertait autant qu'elle devait déconcerter le grand roi qui seul ici connaissait la fragile et momentelle Gara d'avant ma dangereuse traversée. Il vint étrangement à mon secours. Celui qui rencontre Tully transforme Tully lui-même. Puis, tournant son regard vers une petite porte que je n'avais pas remarquée auparavant, il nous fit signe de le suivre en s'engageant dans un dialogue silencieux avec nos compagnons, donna quelques ordres et notre compagnie se dirigea vers la minuscule entrée. L'ouverture était si petite qu'il fallait se baisser largement pour passer. Seul Ylfgur n'eut pas à le faire. En revanche, il eut un regard méfiant autour de lui dès son entrée. Ceux qui ont creusé cette porte sont partis depuis des éons, cher Ylfgur. Murmura Dinmour avec un demi-sourire. Croyez-vous que le plus grand des rois entrerait si ce n'était pas le cas? Ylfgur eut un haussement d'épaule et dit simplement: C'est une très vieille grotte, mes habitudes le sont aussi. Le lieu dans lequel nous entrâmes était une sorte de réserve étroite et sombre, plus longue que large de quelques pieds, de plafond bas et mal taillé, dans laquelle étaient entreposés à même le sol des cristaux et d'étranges objets que je ne connaissais pas. Dans un coin, on distinguait des étagères garnies de fioles de tout genre et de toute grandeur soigneusement étiquetées. Plus loin, une sorte de bahut laissait entrevoir des récipients et de minuscules chaudrons. Le roi s'arrêta devant un mur sur lequel était peint une fresque étrange, représentant des oiseaux sans bec aux yeux étranges, faits de grenats. Passant sa main gauche devant le mur en un mouvement lent, il récita une incantation dans un étrange langage. L'anneau de sa main se mit à briller. Il posa sa main droite sur mon épaule gauche. Quoi qu'il arrive, restez près de moi. Uniquement près de moi. Insista-t-il d'un ton péremptoire. Cependant, il ne se passa rien de bien spectaculaire. Le mur me parut soudainement flou. Puis, une légère transparence l'agita comme s'il allait disparaître. Et enfin, il sembla se dissoudre en une sorte de fumée ou de vapeur grisâtre. Les oiseaux seuls, suspendus en un vol mystérieux dans cette vapeur fumeuse, se mouvaient en une secrète danse. Le roi me fit entrer avec lui dans la pièce, me tenant toujours par l'épaule. Sans lui, je n'aurais pu résister à cette énergie grave et pénible qui régnait dans l'endroit réduit dans lequel nous nous trouvions. Nos compagnons restèrent dans la réserve, armes au poing. « Vous seul pourrez ouvrir le coffre, me dit le roi. Nous avons eu beaucoup de peine à le mettre à l'abri jusqu'ici. » Nous ne pourrons l'en sortir sans votre protection. Il est porteur d'un charme puissant et nous ne savons pas de quelle sorte est le sortilège qui le protège. Ce dont nous sommes certains, c'est qu'il peut ou ne doit vous nuire. Plus nous nous approchions du coffret, plus plus je sentais cette immense force de plus en plus familière m'envahir. Ma douleur à l'épaule se réveillait. « Tu y es là, » dis-je simplement. Je regardais le roi et ajoutais « Il ne faut pas lui faire de mal, il va m'aider. » Je sentis la main serrer mon épaule. « Nul ne fera de mal à Tully, noble fée. Irimald ne le pardonnerait pas. » Le grand roi me sourit légèrement de ce vrai sourire, un peu moqueur. Mon courage revint avec lui une force renouvelée. « Oui, c'est vrai. Je suis certaine que le noble Irimald connaît bien Tully. »« Mieux que moi-même, soyez-en certaine. »« Ah oui ?» J'étais un peu déçu. « Mais vous le connaissez bien quand même. » Le grand roi eut un sourire réellement moqueur et ajouta « Bien sûr, mais mon noble ami sait des choses que le grand roi ignore. C'est dans l'ordre des choses. » Et il ajouta, reprenant mes propres paroles, « Il y a des choses que ne savent pas les rois. »« Oh ! » fis-je presque vexé. « Vous vous moquez ?» Il reprenait déjà son air concentré et me désigna le coffre posé à même le sol de granit. Il me laissa m'en approcher seul. Je sentais toujours ce vertige grave et oppressant qui m'avait entouré dès mon arrivée dans la salle exiguë et ténébreuse. Mais Tully était avec moi. Je sentais sa force redoubler l'énergie mystérieuse qui m'habitait depuis que j'étais dans la dimension d'Elphinie. Il était si puissant que je me sentais presque terrassé de toute cette puissance qui semblait s'accumuler en moi. Je tombai presque à genoux auprès du coffre et je me tournai vers le roi. Il était à deux pas derrière moi. Il semblait briller d'une étrange luminescence, non pas rayonner comme je l'avais vu parfois, mais briller, comme si une autre force émanait de lui, un pouvoir presque oppressant. Il me regardait gravement. Nous n'étions plus à ce moment l'humaine et l'elfe, mais l'Elgara et Imreul, le grand roi Atlante. Notre échange de regards portait en lui la même et suprême question. Ce fut l'Elgara et non l'humaine en moi qui répondit avec une certitude absolue. Nous ferons en sorte que cela soit bon pour tout un peuple, grand roi. Il vit sans doute dans mon sourire et sentit dans mon regard cette certitude qui jamais ne me quitte depuis mon arrivée en Elphinie. Tous les possibles sont en ceux qui y croient. Ne rien faire est pire que tous les possibles. Il se contenta de baisser la tête, le regard pénétré de cette force inconnue et poignante. Pourtant, je ne savais que faire. J'avais devant moi un coffre vieux de quelques siècles dont l'étrange formule Perloque capitara ribar finsaichi semblait me narguer. J'avançai lentement la main. Après tout, n'avais-je pas transporté il y a 2 jours à peine ce coffre qui, pour moi, s'était fait léger et accueillant? Résolument, je posai le plat de ma main droite sur le dessus du coffre. Rien ne se passa. Je posai l'autre main et retrouvai cette sensation de légèreté et de douceur. Un élancement me parcourut l'épaule droite. « Ouvre-le !» m'ordonnait Tully. Oui, bien sûr, il fallait l'ouvrir. Mais la serrure apparaissait complexe. Je ne détenais aucune clé et aucune formule. À part... Mais, bien sûr, j'avais une formule. Lentement, scandant les mots, déployant voyelle après voyelle les sonorités latines, je déclamais « Perlo que capitara arriba fin saici ». Rien ne se passa. Je montais d'un ton ma voix, toujours rien. Je restai plusieurs minutes ainsi, palpant le coffre, cherchant en moi une réponse qui ne venait pas. Un déchirement douloureux à l'épaule accompagné d'un murmure me fit tressaillir. La voix était celle d'Imrold, qui se mêlait à celle de Tully. Je me relevai vivement et me retournai. J'étais seul dans la minuscule pièce. Pourtant Imrold était là, quelque part. Je sentais son invisible présence. Sa force s'était glissée en moi et tentait d'éloigner un Tully menaçant qui s'impatientait avec un fracas bruissant et sifflant. La grippe de Tully parut se desserrer. La pièce oscilla un instant, puis plus rien. Le coffre était là, devant moi. Debout, au milieu de la pièce, je cherchais dans la désolation accablante du moment une réponse au plus profond de moi. La voix d'Imrold susurra de très loin. « Le temps n'existe plus. » Puis de nouveau le tumulte. Un grondement sourd et virulent emplissait mon corps entier. Je ne sentais plus que mon être lacéré et inefficace. « Perlo que capitara ribar finsaichi soil elgara de Occitania !» Mon cri fusa dans la caverne et sembla se répéter à l'infini en moi. Je ne pouvais rien de plus. Je ne savais rien de plus. Le tumulte cessa si soudainement que je perdis l'équilibre. Dans l'obscurité, le silence se faisait plus pesant devant l'inanité de ce moment. Et tout à coup, venu de très loin, un infime cliquetis résonna. Puis, de plus en plus proche, une série de déclics retentirent. On aurait dit que le son d'un mystérieux et impalpable mécanisme venu d'un passé lointain se rapprochait, puis envahissait la pièce pour enfin ouvrir la dernière serrure. Les lettres latines lentement se résorbèrent. Le coffre s'ouvrit, avec un bruit de rouille frottée de vieilles ferrailles. À l'intérieur du coffre, tapissé de cuir sombre, je ne vis ni les pièces d'or, ni les parchemins, ni les armes. Se détachant sur le fond blanc d'une pièce de tissu, sur le pommeau d'une large dague en parfait état, une croix pâtée à quatre branches égales retint mon regard. Sur la garde de la courte lame, on pouvait lire « Ardit Faidit ».